J'avais quelques écolières aussi dans la bourgeoisie, et une entre autres qui fut la cause indirecte d'un changement de relation dont j'ai à parler, puisqu'enfin, je dois tout dire. Elle était fille d'un épicier, et se nommait Mademoiselle Lard, vrai modèle d'une statue grecque, et que je citerai pour la plus belle fille que j'ai jamais vue, s'il y avait quelque véritable beauté, sans vie et sans âme. Son indolence, sa froideur, son insensibilité allaient à un point incroyable. Il était également impossible de lui plaire et de la fâcher. Et je suis persuadé que si on eût fait sur elle quelque entreprise, elle aurait laissé faire, non par goût, mais par stupidité. Sa mère, qui n'en voulait pas courir le risque, ne la quittait pas d'un pas. En lui faisant apprendre à chanter, en lui donnant un jeune maître, elle faisait tout de son mieux pour l'émoustiller. Mais cela ne réussit point. Tandis que le maître agaçait la fille, la mère agaçait le maître, et cela ne réussissait pas beaucoup mieux. Madame Lard ajoutait à sa vivacité naturelle toutes celles que sa fille aurait dû avoir. C'était un petit minois éveillé, chiffonné, marqué de petites véroles. Elle avait de petits yeux très ardents et un peu rouges, parce qu'elle y avait presque toujours mal. Tous les matins, quand j'arrivais, je trouvais prêt mon café à la crème, et la mère ne manquait jamais de m'accueillir par un baiser bien appliqué sur la bouche, et que par curiosité, j'aurais voulu rendre à la fille pour voir comment elle l'aurait pris. Au reste, tout cela se faisait si simplement et si fort sans conséquence que quand M. Lard était là, les agaceries et les baisers n'en allaient pas moins leur train. C'était une vraie patte d'homme, le vrai père de sa fille, et que sa femme ne trompait pas, parce qu'il n'en était pas besoin.